fille dort. Je veux le caresser et qu'il sente ma caresse. Mais sans force au rivage, je ne peux qu'intensément m'emplir de ses eaux. Des pins froissent le ciel brodé d'or. Un bouquet de nuages se fane à vue d'œil. Les apprentis marins d'un jour discutent âprement leur voilure. L'un a le teint si cuivré qu'on l'entend presque sonner quand il parle. D'autres gens mangent. Cela paraît simple, mais attendons que tous ces humains quittent les lieux au rendez-vous frêle de la lune. Quand on distingue encore un peu la surface presque abstraite à force d'être plane, là-bas et là, quelques doigts sortent de l'eau qui doucement font signe.